souviens d'un arbre, je me souviens du vent, de ces rumeurs de vagues au bout de l'océan. Je me souviens d'une ville, je me souviens d'une voix, de ces Noëls qui brillent dans la neige et le froid. Je me souviens d'un rêve, je me souviens d'un roi, d'un été qui s'achève, d'une maison de bois. Je me souviens du ciel, je me souviens de l'eau, d'une robe en dentelle déchirée dans le dos. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort qui me fait de la peine, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Je me souviens d'un phare, je me souviens d'un signe, d'une lumière dans le soir, d'une chambre anonyme. Je me souviens d'amour, je me souviens des gestes, le fiacre du retour, le parfum sur ma veste. Je me souviens si tard, je me souviens si peu, de ces trains de hasard d'un couple d'amoureux. Je me souviens de Londres, je me souviens de Rome, du soleil qui fait l'ombre, du chagrin qui fait l'homme. Ce n'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est la rivière de notre enfance. Ce n'est pas sa mort, c'est de ne plus voir mon père qui danse. Ce n'est pas du sang.